Samedi 27 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Jonquière au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! Octobre est le mois des grands spéciaux chez Dolbeau Auto. Profitez du rabais de 20% sur les modèles 2018 en stock, que ce soit le Sierra 1500, le Canyon, le Silverado. Dolbeau Auto a tout ce qu'il vous faut. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini. Numéro de téléphone 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin, vous invite à visiter notre page Facebook pour nos différents spéciaux. Et rappelle que l'achat local est vital pour notre économie. On va y aller avec une table ronde. On a fait ça avec durant le temps des séries de championnats dans le monde du baseball et la série mondiale. Et aujourd'hui, Bruno Boudreau n'était pas là. Et c'est mon chum, Frédéric Daigle, de la presse canadienne, qui est je pense que c'est son plus grand sport. C'est son sport favori, le baseball. Salut, Fred. Oui, bonjour Danny, bonjour Jacques, absolument que mon sport favori, c'est le baseball. OK, et évidemment, j'ai évidemment entendu Jacques Doucet pour parler évidemment de la nomination du gérant des Jays hier, Charlie Montoyo, une certaine surprise, un gars qui a joué 4 matchs avec les Expos en 1993. Salut Jacques! Salut! Jacques, Frédéric, avant de commencer, il y a une breaking news qui vient de sortir, décès de John Ziegler, l'ancien président de la Ligue nationale de hockey, 94. Oh! Eh bien, ouais, ça commence... malheureusement, c'est une loi à laquelle personne ne peut échapper. Effectivement. On va commencer avec Frédéric. Pourquoi j'ai invité Frédéric? Parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles sur les expos, sur le retour des expos cette semaine. Autant sur les médias sociaux, on a vu la photo passer que le groupe était à Boston. Il y a Jérémy Filosa également qui a sorti plusieurs nouvelles concernant le bassin Peel à Montréal. Fred, je veux t'emmener pour commenter ça. Est-ce que le fait que ce que Philo écrit un peu sur Twitter puis au 98.5, le fait que le bassin Peel, tout le développement est actuellement en train de se faire vendre les terrains, c'est-tu une mauvaise nouvelle ou pas? Ben oui et non, là, ça dépend à quel terrain et ça dépend qu'est-ce que la ville de Montréal s'est réservé un lotissement pour développement ultérieur ou pour développement particulier. Est-ce que ce serait le terrain visé par le groupe de Stephen Bronfman. Écoute, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de Jérémy Filosa. C'est un point de vue intéressant. Écoute, c'est certain que pour la ville de Montréal, ce secteur-là qui est en ébullition, tu sais, c'est parti plus vers l'ouest, mais là, ça s'en vient vers le centre. C'est certain qu'on voudra pas garder des terrains vacants ad vitam aeternam au cas où que le baseball majeur revienne à Montréal. À un moment donné, la ville aussi va vouloir développer. Il y a le réseau de trains électriques qui passe dans ces alentours-là. Il faut savoir où mettre les stations, qu'est-ce que ça va desservir. C'est pas la même chose si on met une station pour desservir un quartier résidentiel que si on met une station pour desservir un quartier d'affaires ou un quartier où il y aura un stade de sport qui va attirer, souhaitons-le, de 25 à 35 000 personnes 81 soirs par année. Alors, tu sais, c'est certain que ce sont des questions qui devront être répondues. Est-ce que c'est alarmant? Ben non. Moi, je trouve ça normal qu'il y ait des promoteurs qui soient intéressés à ces terrains-là. Ce qui est bon pour le projet, c'est justement ce lotissement que la Ville de Montréal se réserve là, pour des projets là, ultérieurs, justement, okay. Comme elle le disait. OK. Puis le fait que la photo qu'on a vue passer à Boston, ils savaient bien que ça allait se ramasser sur les médias sociaux. Là, puis ça allait... C'était stagé un peu, ça. Là. Ben, sûrement. Et écoute, tous ces gens-là ont les moyens de s'acheter d'excellents billets derrière le marbre pour un match de série mondiale, mais moi, je pense que c'est pas innocent que ces quatre gars-là, qui sont d'après moi les quatre personnes les plus importantes dans le dossier du retour des expos, se retrouvent en pleine série mondiale à Boston avec une tuque des expos. Il y a rien d'innocent là. Moi, je pense que ça fait partie de la démarche. OK. Jacques, Charlie Montoyo a été nommé gérant des Blue Jays hier. Écoute, moi j'aurais pensé à Stubby Glapp ou encore Joe Espada qui était dans les candidats. Et il est arrivé du champ gauche, mais je déteste pas du tout Charlie Montoyo. Et surtout, tu nous avais mentionné il y a une couple de semaines avec nous qu'il ne faudrait pas surprendre d'avoir un latin arrivé à l'organisation des Jays. Et Montoyo, écoute... Quand tu es un adjoint de Kevin Cash, Je pense qu'il faut être considéré comme sérieux. Mais c'est un très bon professeur, Kevin Cash. Hein? Ouais. Et puis, c'est un gars qui ne craint pas d'innover. Et Montoyo était à ses côtés cette année lorsque les Rays sont sortis de nulle part pour vraiment faire ouvrir les yeux à beaucoup de monde. Et puis, tu regardes l'évolution de cette équipe-là, la possibilité qu'il déménage à Montréal. Surtout que, présentement, il n'y a absolument rien dans les journaux de la Floride qui parle de la construction d'un stade pour les Rays. Non, on a parlé avec Frédéric justement cette semaine. Fred qui suit ça beaucoup. Fred, il n'y a rien, hein? Il n'y a rien. Je ne vais pas là tous les jours, là, mais je vérifie ça religieusement, puis absolument rien. Alors, tu sais, le commissaire, là, il va finir par perdre patience. Il est tanné de voir, tu sais, de petites assistances comme c'est le cas autant à Oakland qu'à Tampa Bay. Puis il va falloir qu'à un certain moment, il mette son pied à terre. Puis que moi, je pense que le propriétaire, M. Sternberg, des Rays, attend juste un peu de pression de la part du commissaire pour prendre une décision finale. Oui. Parce que je sais pas si c'est avec toi que je parlais de ça l'autre jour, mais tu sais, quand on vieillit, comme c'est mon cas, tu fais toujours ce qu'on appelle un « bucket list ». C'est une liste de choses à faire avant mourir. Puis dans le cas de Sternberg, d'après moi, il a fait son bucket list, lui, avant de dire « je déménage ». Puis il y avait peut-être 6 ou 7 items sur cette liste-là. Puis d'après moi, là, il en a déjà buffé 5. Il en reste moins, là. Alors, il va falloir que ça bouge à un certain moment. Mais Fred, t'as raison, on en a parlé curieusement quand on s'est parlé cette semaine, off the record, au téléphone, puis je te demandais, tu vas voir souvent à Tampa, il se passe rien, Jacques en a parlé aussi. Le fait qu'il n'y a aucun débat, mais c'est vrai qu'à Montréal, il y aurait des débats, ça se parlerait. Ben oui. Tu sais, il y aurait des éditorialistes qui poseraient la question, qui se pencheraient là-dessus. Exactement. Le fait que... Tu sais qu'à Tampa, il n'y a pas autant de journalistes qu'à Montréal. Hein? Non, c'est sûr, mais il y a au moins quelque chose quand même. C'est le 31 décembre. Oui, mais il y en a... Oui. Quand tu regardes... Le dossier. Oui, vas-y, Jacques. Les questions ont été posées... Oui, excuse-moi, Jacques, de vas-y. Les questions ont été beaucoup posées quand Sternberg a présenté le projet de Sport City, là, le petit stade qui ressemble un peu... Moi, je trouve qu'il ressemble à une palourde, là, puis je dis pas ça de façon péjorative, là, le petit stade fermé. Là. Il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées à ce moment-là. La plus importante est venue du comité exécutif du comté qui a dit, OK, c'est un projet de 900 millions, vous voulez en fournir 150, pourquoi vous n'arrivez pas avec 450 millions? Parce que tant qu'on parle pas de 450 millions qui sortent de vos poches, tant qu'à nous, le projet, il verra jamais le jour. Alors, tu sais... puis moi, Jacques, tu parlais de la pression du commissaire. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques mois, je pense que c'est au printemps, au début de la saison, le commissaire Manfred est allé pour une très rare fois, en tout cas, si c'est pas la première, d'un commentaire public là dans les médias, de dire, à un moment donné, à Tampa Bay, il va falloir que ça fasse du sens économiquement. Alors, pour que le commissaire y aille de ce commentaire-là en public... Combien de fois il l'a dit en privé à Sternberg et son groupe? Tu sais comme moi, Jacques, là, au baseball majeur, que ce soit Rob Manfred ou même Bud Selig avant, là, peu importe ton. Je sais qu'à Montréal, on l'aime pas beaucoup, Bud Selig, là, et avec raison, mais il a pas que fait des mauvaises choses pour le baseball, Bud Selig, là. Ces gens-là, avant de dire un mot publiquement, il est pesé, sous-pesé, pensé, repensé. Il n'y a rien qui est innocent quand ces gens-là parlent en public. Là. Effectivement. Puis c'est stagé aussi. Hey, mais Jacques, j'en reviens sur les Blue Jays. Le latin, le fait que Vladimir est un joueur latin. Ben oui, mais il n'y a pas juste Vladimir. Gourriel. Il n'y a pas juste Vladimir. Il y a Diaz. Il y a Gourriel. Il y a Hernandez. Puis là, il y a Vladimir qui s'en vient. Puis il y en a d'autres jeunes latins qui poussent dans l'organisation, là. Alors, leur gros premier but qui est arrivé au mois de septembre, là, son... Roddy Tellez, mais lui est né en Californie. Okay. Il doit parler anglais pas mal. Ah, bon. Là. Okay. Parce que j'ai vérifié tout à l'heure, là. Rédiger ma dernière chronique là, pour le Journal de Montréal, puis évidemment, l'affaire de Montoyo va faire le haut de mon commentaire. Mais non, moi, je voyais très bien un instructeur parle espagnol arrivé chez les Blue Jays. Tu sais, on avait parlé de l'ancien voltigeur de centre, là, Carlos. Carlos Beltran, oui. C'est ça. Moi, c'était peut-être un de mes premiers choix. Et dans le cas de... Ce qui m'aide beaucoup dans le cas de Montoyo, faut pas oublier qu'il a 18 ans d'expérience comme gérant dans le baseball mineur. Ouais. Puis il a gagné des championnats. Alors, tu sais, c'est pas un deux de pique, comme on dit. Et en arrivant chez les Blue Jays, je pense que lorsqu'un gérant parle dans la propre langue d'un joueur, le commentaire est reçu plus facilement que si on passe par un interprète. Ben, si on l'avait vu avec Mel Rojas, puis j'en avais parlé, genre, avec un... Ben oui. Qu'on en avait parlé, alors, oui. Tu sais, mon chum Pelé fait un travail extraordinaire avec les Latins chez les Blue Jays, puis j'espère que l'arrivée de Montoyo ne le fera pas rétrograder, parce qu'il a sa place, lui, là. Oh, oui, effectivement. Mais, tu sais, avec les jeunes, qui s'en viennent, les jeunes Latins, je pense que Montoyo est un choix judicieux. Tu sais, ben, c'est juste seulement l'avenir qui va nous le dire. Ouais. Mais après Mabar, son expérience comme gérant dans les mineurs, assis à côté de Kevin Cash sur le banc, il n'est pas contre l'usage des statistiques avancées. Ben, on dit genre moi, que j'aime bien l'instinct. Ouais. Mais les statistiques avancées font partie du décor aujourd'hui. Et dans le cas de Montoyo, il a été mis au courant de ce qui se passe, et puis on l'a choisi, alors bravo. Ben, on dit que selon les observateurs de Toronto, que le data, le fait justement les statistiques avancées, le fait qu'il aime beaucoup jouer avec le data, ça aurait pesé lourd, parce que Stubby Glapp, c'était quand même un bon candidat aussi, là, un Canadien en plus. Ça, écoute, moi je pense qu'il était sur la liste des 5 derniers finalistes. Ouais, il y avait Joe Espada aussi. Oui, les Astros de Houston, l'adjoint à J.J. Hill sur le banc. Exactement. Hey Fred, les Red Sox contre les Dodgers, c'est pour ça que je vous appelle. Est-ce que le fait qu'on va jouer à Los Angeles dans le chaud, parce que la température est un facteur dans ces matchs-là, est-ce que ça va. Le fait que J.D. Martinez, on ne sait toujours pas ce qui arrive avec, c'est sûr que les Red Sox vont perdre un bâton précieux. Penses-tu que ça peut faire en sorte que la série, les Dodgers en gagnent au moins 2 à Los Angeles? Ben, en tout cas, il faut le souhaiter, sauf que c'est pas la chaleur qui empêche les Red Sox de marquer après 2 retraits, à peu près, qui ont des coureurs sur les buts. Alors ça va surtout être ça, la clé, je pense. Il va falloir que les lanceurs des Dodgers ferment la porte une fois que ce deuxième retrait-là est acquis, parce que une chose que les Red Sox nous ont démontré au cours des dernières séries, c'est que ils sont jamais morts, eux autres. Hein? Non. Il y a 3 retraits dans une manche, puis faut que tu travailles pour aller chercher les 3, parce que eux autres, ils baissent pas les bras après 2. Alors, et ça, puis, c'est vraiment, je pense que ça va être la clé. Ouais. On parle beaucoup d'Alex Cora, mais il faut rendre hommage aussi à l'instructeur des frappeurs, Tim Hires. Ouais. Parce que c'est lui qui a réussi à trouver comment faire passer son message auprès des joueurs pour que lorsqu'ils ont 2 prises contre eux, ils ne baissent pas les bras ou tentent toujours d'y aller pour la longue balle. Ah oui, alors, chapeau à Hires. Oui, effectivement. Il y a une présence au bâton qui m'a beaucoup impressionné dans cette série-là, et je pense qu'elle représente exactement le travail que Meyer a pu faire au cours de la dernière année. Là. C'est le simple de 2 points de J.D. Martinez dans le dernier match. Oui. Ce gars-là, là, il a frappé 40 circuits cette saison. Là, il a produit au-dessus de 100 points. Puis là, lui, là, il se contentait d'un petit simple au champ posé, alors que c'était important de faire avancer les gars puis d'en faire marquer au moins 1. Et moi, la comparaison est peut-être pas bonne, là, parce que Giancarlo Stanton est loin d'avoir connu une mauvaise saison avec les Yankees cette année, mais combien de fois on l'a vu dans des situations pareilles essayer de sortir le gros circuit de 3 points au lieu de se contenter d'aller chercher les points produits qui étaient disponibles. Mon jupon dépasse un peu, là, je suis un fan des Yankees, là, mais je suis capable d'apprécier la belle balle, puis je peux vous dire que les Red Sox nous donnent tout un show en série cette année. Et moi, j'étais un de ceux genre qui disait, puis je ne l'avais pas parlé, je l'avais parlé avec Mark Griffin, j'avais peur que les Red Sox n'avaient pas connu de passage à vide. Hein. Moi, je pensais que ça allait les rattraper en série, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Ben écoute, quand tu regardes les Red Sox dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de failles là-dedans. Non. Ils sont peut-être un petit peu faibles en défensive du côté gauche de l'avant-champ. Quand tu regardes la longue relève, ça peut laisser à désirer. Mais à part ça, là, tu sais, les trois voltigeurs, là, je regardais ça. Trois là, les trois voltigeurs, là, moi, ça me fait penser aux années 89, 80, 90 des Expos, tant qu'on avait Reigns, Grissom et Walker. Effectivement. T'sais, c'était des. Ouais, c'est tout un trio. Puis, ou allô, Walker. Côté gauche, ça a pas fait mal aux Red Sox dans ces séries-là, sauf peut-être un match contre les Yankees. Ouais. Et puis, la longue relève à part, justement, qui a été chancelante face aux Yankees, mais ça n'a même pas coûté plus qu'un match. Exactement. Les gars, ils ont réussi à stopper l'hémorragie à temps. C'est un des points faibles des Red Sox qui laissait planer quelques doutes, là, puis ils ont complètement, on dirait qu'ils ont... Ils ont tous retrouvé leurs moyens en même temps parce qu'ils vont tous très bien présentement. Ah oui, effectivement. Donc, exactement. C'est trois voitures de centre. Hein. T'as pareil. On pourrait parler de Walker, Alou et Grissom aussi. Frédéric en a parlé, puis moi je veux t'emmener là-dessus parce que moi et Fred, on s'en est parlé. La durée des matchs, ça dure 4 heures. Présenter les matchs à 19h, je sais que c'est 20h pour la côte ouest, là, on veut accommoder la côte ouest aussi, les matchs sont diffusés à la côte ouest, mais à un moment donné, faudrait-tu réduire ça et mettre ça à 19h, quoi, ou faire quelque chose? Un gros problème qu'on a pendant les séries, c'est qu'on étire les messages commerciaux. En saison régulière, ouais, 30 secondes de ça plus, joue pour chaque demi-heure. Ouais, puis des fois c'est une minute de plus. Là. Alors tu sais, t'as 18 interruptions entre chaque demi-manche là. Ok. Fait que si tu rajoutes 30 secondes de plus seulement, là t'es rendu déjà à 9 minutes que tu viens de rajouter. Ça c'est à part des nombreux arrêts. Moi moi je suis d'accord avec la reprise vidéo. Mais tabarouette, dépêchez-vous à rendre votre décision. À New York, si on se peut avoir 3 écrans pour voir tous les angles possibles et impossibles, pourquoi ça prend 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes à rendre une décision? Mm. Alors que souvent, à l'écran qu'on nous montre, ici dans notre salon, on voit si le gars est retiré ou bien s'il est sauf. Mm. Comment tu fais que ça prend tant de temps que ça en revenant de New York? Je peux pas réexpliquer ça. Je suis bouche bée devant ça. Mais c'est dans tous les sports, Fred. Le football, c'est la même affaire. Les reprises vidéo, c'est long, les reprises vidéo. C'est dans tous les sports. Ouais. Moi, ce que je déplore, là, surtout au baseball, c'est que, justement, le temps que le gérant se décide à dire oui, on va contester cette décision-là, on l'a vu 5 fois, nous autres, la reprise. Je peux pas croire qu'à New York, ils l'ont pas regardé déjà pendant que le coach se décide, non? Exactement. Je comprends que les coachs là en série, ils ont une contestation de plus, là, ils en ont 2. Je comprends que tu veux pas la gaspiller, tu sais, si c'est vraiment clair que ça va pas de ton bord, la décision. Mais à un moment donné, justement, c'est important le choix, on conteste ou on conteste pas. Mais pendant ce temps-là, là, tu sais, quand vous, à New York, là, moi, si j'irais le boss du baseball majeur, j'irais les boys, quand vous voyez que ça commence à regarder reprise là, pendant la game, tout vous autres, commencez donc tout de suite. Là. Mais oui. Ouais, effectivement. Et puis, à part de ça, faut pas oublier que le gérant a toujours le privilège, il y a deux appels, tu vas me dire, là, mais il a le privilège d'aller voir l'arbitre si il est déjà épuisé, ces deux appels. Puis il pense qu'il y a un jeu important, il peut aller voir l'arbitre en chef et dire, écoute, tu ne penses pas que ce serait le fun qu'on regarde ça une deuxième fois? Ouais. Et plus souvent qu'autrement, les arbitres vont accepter. C'est souple, la limite des contestations. Là. C'est élastique un peu. Oui, effectivement. Ouais. Hey, Jacques... Jacques, je sais pas, toi, t'as, bon, je ne veux pas dire que tu es vieux, Jacques, mais tu as vu plus de mes autres. Je suis. Moi, là, il me semble, quand j'étais petit, là, 7, 8, 9 ans, là, bon, j'avais pas le temps de les regarder au complet, les matchs de baseball, mais j'avais le temps de voir 4-5 manches avant d'aller me coucher, là. Oui. C'est plus vrai, là. Ça commence à 8h10. Les jeunes, là, de 7, 8, 9 ans qui sont au primaire puis qui trippent sur le baseball, là, ils se couchent pas à 10h, là, les soirs de semaine, là. Juste pour s'assurer, là, le baseball trouve qu'il y a de la misère à renouveler sa clientèle, si on peut dire, mais juste pour ça, c'est un incitatif important à mettre les matchs plus tôt, là. Si tu veux que les jeunes fans puissent avoir des souvenirs, tu bâtis un peu ton, ton amour pour une équipe ou pour des joueurs en les voyant réaliser des grands exploits. Mais là, si tu les vois tout le temps juste aux nouvelles le lendemain matin quand tu manges tes risques, ça aide pas. Mais ça. Je te dirais là-dessus, Jean, Frédéric, je te répondrai. C'est peut-être une suggestion, genre que tu me répondras là-dessus, t'es là-dedans, toi. Les télédiffuseurs payent tellement cher leur droit de télédiffusion que eux autres vendent la pub, c'est là qu'ils peuvent être rentables. Peux-tu être une hypothèse, Jean? Ben, c'est exactement ça. T'as mis le doigt sur le bobo. Ouais, hein? Tu sais, on augmente les droits de télévision, mais les commanditaires augmentent le taux d'argent qu'on charge à la minute. Ouais. Et eux, pendant les séries mondiales, disent, écoute, ben là, on va rajouter un petit 30 secondes, on va rajouter un 40 secondes ou un 60 secondes pour rentabiliser notre investissement. Effectivement. Jacques, la semaine prochaine, tu vas sortir, je vais te rappeler, je te dis tout, je te rappelle la semaine prochaine, parce que c'est la sortie du livre de Philippe Allou. Il est sorti. Il est sorti, parce que moi, on m'a dit qu'il était en librairie le 31 octobre. Ah, ça se peut, mais moi, je l'ai. Okay. J'en ai remis une copie à, ben, quatre copies à Philippe, son épouse, sa fille et son gars. Ouais. Et j'ai déjà commencé à en distribuer à certains de mes amis qui sont pas loin. Fred, ce sera pas surprenant. Il a 400 pages, mon ami. Ouais. Fred, il l'a lu en anglais, lui. Ce sera pas une surprise. Mais j'attends la copie, j'attends la traduction de Jacques avec impatience aussi. C'est un livre que j'ai adoré puis que je vais relire parce que je suis certain que Jacques a mis sa couleur et aussi son expérience parce qu'il l'a côtoyé de près, Philippe. Fait que je suis certain qu'il y a des trucs en français qui vont peut-être différent un peu de la version anglaise. J'ai bien hâte de... C'est possible, c'est possible. Ouais. Apparemment, il n'est pas tendre. Aussi, il y a un quatrième cahier de photos qui est plus à saveur expo. OK, version française, un peu plus française. Bon, ben juste pour ça, ça va valoir la peine parce que, bon, on peut pas blâmer la version anglaise d'avoir brossé un tableau plus large, là, mais c'est certain ben que oui. On voulait avoir plus d'expos dans ce livre-là. En tout cas, moi, je te dis, t'en as au moins un de vendu, Jean. Frédéric, t'en as deux parce que... Mais t'en as deux. Contrairement à ma petite biographie des mémoires d'un micro ou encore l'histoire des expos que j'ai publié avec Pedro Marc Robitaille, Pedro. Moi, qui s'en vendu une copie ou 10 000 copies, ça me donne pas une scène de plus. Moi, j'ai été payé pour la traduction, puis après ça... C'est mes revenus du livre arrêtent là. Non, c'est ça. C'est pour le plaisir et la rentabilité du projet pour l'éditeur. Oui, effectivement. Mais apparemment, Frédéric, tu l'as lu en anglais, genre que tu l'as traduit. Il n'est pas tendre envers Claude Brochu, hein? C'est quasiment un chapitre quasiment sur Claude Brochu, hein? C'est tout ça, Frédéric? Il y a plusieurs pages sur son passage à Montréal, pas seulement Brochu, mais c'est sur Loria et Samson et compagnie, là... Ah non, écoute, moi, je l'ai connu, Philippe, pas mal intimement, et c'est un gars qui a toujours été droit. Il ne s'est jamais camouflé. Autant ses opinions politiques, sur la religion, que sur le baseball, tant qu'il y a quelque chose à dire, puis qu'il est convaincu, il l'expose. Mm. Puis il n'est pas allé par quatre chemins. Non. Puis moi, les gens à Montréal blâment beaucoup Laurier Simpson, mais moi, c'est plus Claude Brochu. Si Brochu aurait fait la job, on n'aurait pas connu Laurier Simpson. Moi, mais il n'était pas tout seul là-dedans. Ouais. Brochu, tu sais, les autres actionnaires ne voulaient pas investir, Brochu n'avait pas d'argent, lui. C'est bien beau. J'ai rencontré des élèves de l'Université McGill, pas plus tard qu'avant-hier. Okay. Un professeur m'avait invité à aller parler à ses élèves sur le baseball. Et... je leur ai fait la comparaison, il y avait peut-être une douzaine d'élèves alentour de la table. J'ai dit, disons que vous êtes actionnaire des expos, puis c'est moi qui ai le président. Puis je dis, bon, faut investir 6 millions pour qu'on puisse garder tel ou tel joueur. Alors, ça me prend 500 000 de chacun de vous autres. Vous n'avez pas, personnellement, le pouvoir de dire, on embarque ou on n'embarque pas. Il faut que tu retournes voir le conseil d'administration de la compagnie que tu représentes. Mm. Et si tu n'es pas un amateur de baseball, est-ce que tu vas avoir des arguments pour convaincre la compagnie de réinvestir? Non. Alors, tu reviens au conseil d'administration de ton équipe, puis lorsque le président dit, bon, ben, qui est-ce qui embarque? On a besoin de 6 millions. Il y en a-tu qui embarque? puis il y en a peut-être deux qui vont lever la main, puis les autres n'embarquent pas. Alors, tu sais, Brochu, tu sais, si ça avait été Charles Bronfman, on aurait pu le pointer du doigt. La seule chose que j'aurais reproché à Claude, moi, c'est d'avoir peut-être manigancé pour le déménagement de l'équipe, parce que là, il allait s'enrichir, et aussi d'avoir été le principal porte-parole, si tu veux, chez les Expos, alors qu'il avait de la difficulté à bien faire véhiculer le message qu'il voulait donner, que ce soit pour le stade, que ce soit pour le départ d'un joueur ou l'embauche d'un joueur. Alors, tu sais, il aurait dû avoir quelqu'un qui pouvait bien verbaliser ce qu'il voulait dire. Mais c'était pas son fort. Et puis lorsqu'il le faisait, bien souvent, il se mettait les pieds dans les plats. Okay. Jacques, Frédéric, tu as parlé avec un ancien actionnaire, puis lui, tu l'as dit, hein, avoir su que ça arriverait de même, il l'a regretté, hein? Ben oui, mais quand... ces gars-là, là, ils ont tous perdu. Moi, j'ai posé carrément la question. Je dis c'est sûr qu'avec le recul, là, ça va bien, hein, analyser les situations. Mais cette personne-là me disait, écoute, avec la bulle techno de 2008, là, je me rappelle pas des dates exactes, là, mais bon, l'éclatement là, des actions de compagnie techno, là, il dit, j'ai perdu plus d'argent là qu'avec les expos. Là. Il dit, avec le recul, on l'aurait mis l'argent, puis on, tu sais, je pense que tout le monde l'aurait mis. Écoute, ce qui va coûter peut-être 1,5 milliard aujourd'hui leur aurait coûté 150, 200 millions il y a 15 ans. Là. Fait que c'est certain que. Pendant qu'on faisait des entrevues, Marc et moi, pour le livre sur l'histoire des expos, moi, j'en ai interviewé plusieurs actionnaires, co-actionnaires. Puis j'avais toujours le même discours quand je m'assoyais. Je disais, ouais, vous autres, vous êtes vraiment des bons hommes d'affaires. Qu'est-ce que tu veux dire, Jacques? Ben, Laurier a vendu les expos au baseball majeur pour 130 millions. Puis en 2004, les expos ont été vendus à Washington pour 400 millions. Ouais. Alors, j'ai dit, ma mathématique est peut-être pas bonne, mais ça, c'est un profit de 270 millions, ça. Mm-hmm. Vous étiez combien? 10? Ouais. Là, il reste bouche bée. Il ne peut pas répondre. Non, et puis avoir le prix des concessions aujourd'hui, je pense qu'ils doivent regarder ça, parce que sinon, et puis, ça doit leur faire trop mal. Ça va monter encore. Hey, mais messieurs, très intéressant, on s'en parle, Jacques, la semaine prochaine, ou peut-être dans deux semaines, on va se parler de ce livre-là, parce que... Ouais, mais fais attention, là, moi, le vendredi prochain, je pars pour 4 jours de chasse. OK. Et je reviens pour quelques jours, et ensuite, je repars le vendredi suivant pour un autre 4 jours de chasse. Je trouverai bien le moyen de te trouver. Fred, un gros merci. Frédéric, reste là, en dehors des ondes, je vais te parler. Jacques, gros merci. Salut, boys. Merci. Jacques.